qu'est-ce qu'on faut Stop. Qu'on goûte là? Non. Vas-y. T'es goûté. Ah, ça commence. On goûte ton affaire qui sent une noisette là. D'une shot? Ça sent vraiment une noisette. Non, non, pas d'une shot, c'est pas un. Okay. Pas d'une shot. Oh, oh yeah! Puis, c'est bon? C'est t'as trop pris? Ouais, c'est pas pris. Ouais. Oh yeah! Alors, attends, petite gorgée. Oh yeah! Bienvenue dans l'antre du n'importe quoi! N'importe quoi! Où ils trouvent de tout, même trois fiefs et coquins. C'est ce qu'ils ont pas de numéro 5! 5, ça porte malheur. C'est pourquoi? Au micro, les frères J et Monseigneur la Trémouille. Aujourd'hui, en direct du Pôle Nord! Qu'est-ce qu'on s'est gel de même, tabarnak? Oui, du Pôle Nord, c'est une demande spéciale de, justement, Monsieur Marc Latrémouille, qui croit encore au Père Noël et qui a rédigé une petite lettre au Père Noël. Et, ben, il m'a dit, Christian, j'aimerais ça utiliser la tribune du podcast pour rejoindre le Père Noël. Exactement. Tu veux que je te lise tout de suite? Ben, si tu veux. Si OK. Tu veux. Bon, ben, avant de faire les présentations, salut, moi, c'est Marc, Monseigneur Latrémouille, comme Christian vient de dire. Je vais lire une lettre au Père Noël qui s'intitule, et qui commence plutôt, « Bonjour à toi, oh, oh, oh, Père Noël. » Ou selon d'autres cultures, Chris King, Kringle, Saint-Nicolas, ou bien Richard Talbot, celui qui personnifie tous les ans au Mal Champlain. Oh, au Mal Champlain, il y a un Richard Talbot qui personnifie le... Oui, c'est ça, monsieur. Okay. Ho, ho, ho. Bien que tu sois grandement inspiré d'une firme capitaliste de boissons gazeuses, je te remercie quand même de la paix qu'il y a maintenant entre mes parents. Ils ne se chicanent plus depuis 15 ans. Faites à noter, mon père est décédé le jour de Noël 1991. Fait que ma mère a continué de se chicaner toute seule juste pour la forme. Bon, je te remercie, toi, Père Noël! de cette belle illusion que tu crées, cette utopie de la paix à travers le monde, qu'il n'y aura plus de pauvres, que les riches paieront plus d'impôts en ayant plus d'abris fiscaux, que Donald Trump va être un bon président et que Justin va arrêter de prendre ses selfies. Moi, je sais, j'arrête. Bon, à partir d'ici, je tiens à avertir les enfants de moins de 7 ans de ne plus écouter ma chronique parce que je vais dire un scoop. De cette niaiserie que tu viens de porter des cadeaux à minuit tous les ans, partout dans le monde, en même temps, en passant par les cheminées. As-tu vu la grosseur que t'as? Tu devrais peut-être te mettre à la mode des années 2000, peut-être être plus en santé, perdre le trop de gras que tu as autour de la taille. Découper! Ouais, cross-training peut-être. Mais au lieu de perdre du poids, tu as juste trimé ta barbe et que maintenant tu te déguises depuis quelques années en premier ministre du Québec. Que tu nous as donné à nous, les Québécois, ce beau cadeau qu'est l'austérité. Oui, je sais que tu peux en parler. Et que maintenant tu dis que tu as sauvé cette belle province d'un gouffre financier auquel on ne se serait jamais sorti pour ainsi disparaître de la surface de la planète. Oui, je sais que tu peux en parler. Bon, merci Père Noël de ce beau cadeau de nous amener en politique sur un beau côté qui est juste à l'entendre parler à la solution à tous nos problèmes. Lui, il ne parle pas en trou de cul. Parle moins vite. En trou de cul de poule et il va réussir. Sais-tu pourquoi je l'ai vite? On comprend rien. Sais-tu pourquoi je l'ai vite? Je comprends. Oui. Parce que je vais me débarrasser des trucs politiques. Okay. Lui, il va réussir à parlementer des problèmes complexes. Bref, merci pour cette belle année 2016. J'ai hâte de voir ce que tu nous réserves pour 2017. Oh, c'est tout? C'est tout. T'en mets pas mal sur le dos du Père Noël, Caolique? Moi, ce que je trouve beau dans ce que tu as écrit, mais enfin, dans la lettre, c'est... T'as entendu? Oui, non, mais ce que je trouve beau, c'est que tu crois encore au Père Noël. Ça me touche. C'est mignon. C'est vrai, hein? Non, mais j'accepte ça. Je respecte ça, tu sais, comme croire en Dieu, croire au Père Noël, même combat, là, tu sais. Je trouve ça beau, c'est croyance. Je devrais peut-être me convaincre du contraire. Roman, il croit encore au Père Noël, puis ses petits amis sont en train d'y générer un esprit de... Roman. D'incrédulité, son fils. Kid. OK, mais faut-tu dire. Qui me dit, papa, est-ce qu'il existe, le Père Noël? Arrête de dire des mensonges. Je veux savoir s'il existe pour de vrai. Parce qu'il commence à se douter de la situation. Et je lui dis simplement, Roman, c'est pas compliqué. Le Père Noël n'existe que pour ceux qui croient en lui. Exactement. Tes petits amis qui croient plus au Père Noël ont plus de cadeaux du Père Noël. Toi, t'en auras pas cette année non plus, puisque ça fait 3 ans qu'il dit d'arrêter tout de suite ton pouce. Fait que c'est encore papa qui va acheter tes cadeaux cette année. Pourquoi c'est encore papa? Oups. Ben, c'est exactement pareil ce que j'ai dit à Léo. Léo, il croit plus, là. Il le sait. Puis, tu sais, il dit discrètement parce que Charlotte, il croit encore. Charlotte, sa petite sœur. Mais j'ai dit exactement la même chose. J'ai dit, tu sais, Léo, le Père Noël existe pour ceux qui y croient, pour les jeunes. Fait que pour moi, il n'existe plus. Pour la plupart des adultes, il n'existe plus. Mais pour ceux qui y croient, pour ceux qui sont jeunes de cœur, ben, il existe. Puis c'est une belle façon de réfléchir. Parce que personnellement, moi, j'avais peur justement au moment où est-ce qu'ils disent coudonc, Calvaire, tu m'as menti. Père Noël n'existe pas pantoute. Merci. Mais finalement, il l'a bien pris. Mais moi, personnellement, là, j'étais pas super content quand tu m'as dit on va-tu enregistrer au Pôle Nord? Parce que moi, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur du Père Noël. Tu sais, c'est comme, bon, vous allez peut-être dire que j'écoute trop de films d'horreur, mais imaginez si, comme le bon Dieu, le Père Noël était méchant, hein? Puis que on devenait ses victimes. Non, mais ça peut être une estime de bonne idée de film, là. Imagine, notre enregistrement audio est retrouvé dans plusieurs mois. Dans la glace. Une fois restaurés, les gens pourront y entendre nos cris mêlés à des ho-ho-ho démoniaques ou le bruit du renne au nez rouge dévorant le crâne pelé de la trémouille. Pelé, je veux dire. Pelé. Tu sais, ça serait un found footage audio. Ça serait cool. Un found footage audio au cinéma, genre? Tu Non, payes mais. 18 pièces pour l'écran Non, noir. non, mais tu sais, imagine un podcast, genre, puis c'est tout le temps un found footage audio. Tu sais, comme. Ah ben oui, j'en ai écouté un avec les zombies, je me sais plus comment ça s'appelait. Hugo, tu m'appelleras pour me dire c'est quoi, donc je m'en souviens plus, c'était quoi. En passant, Hugo, juste une petite parenthèse. Hugo! Je t'ai pas oublié. Ouais, puis Sylvain aussi, faut pas l'oublier. C'est qui ça? Sylvain Bravo, notre autre auditeur. Wouhou! Sylvain, à poil! Mais parlant de podcast audio, je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'avait vu, Grizzly Man de Werner Herzog, qui filmait, qui, non, en fait, c'est qu'il avait pris les footages d'un gars qui se baignait avec les grizzlies. Tu sais, c'était un gars puis sa femme, il avait été se promener en pleine nature, puis il avait découvert les grizzlies, puis il se baignait avec eux autres, il prenait dans ses bras, pas de problème. Puis à un moment donné, justement, Werner Herzog, il a mis la main sur un audio où est-ce que c'est le gars qui se fait tué par un ours alors que le gars est dans sa tente, puis il se fait attaquer par un ours. Puis tout ce qu'on voit, nous, c'est Herzog qui écoute ça, puis là, il dit, faut jamais que personne d'autre entende cette atrocité. Et pourtant, tu l'entendais? Non, on voit juste Herzog avec Okay. des écouteurs. Le gars, il a couché avec une ours qu'il devait pas. Mais il paraît qu'il s'est fait trucider par un Grizzly qui était plus content qu'il soit là. Excuse-moi d'avoir ri, mais Mais quoi? je sais pas, il y a eu comme un silence. Mais t'as pas de cœur. Ben, ça a Parce l'air que que non. je viens juste de dire que le gars, il s'est fait dévorer par un Oui, non, grizzly. mais je veux dire, à un moment donné, tu pousses ta loque, là. Si Non, vous je passez ça sais. avec des Tu sais, en grizzlies. parlant d'un film d'horreur, là, de Père Noël, là, il y a Krampus qui était dans le très, très moyen. Puis il y a Rare Export qui est légèrement mieux. Y a-tu d'autres films d'horreur avec des Pères Noël méchants? Ben moi j'en avais vu un Ah, merde. y a pas le tueur en série là, le vieux film des années 80, voyons comment ça s'appelle. Oui oui, de Silent Silent Night, Night, Deadly Deadly Night. Night. Parler de films d'horreur, mais Garbage Day. je pense aussi à un film où est-ce que le Père Noël c'est une crapule, c'est le film français le Père Noël est Une ordure. est une ordure. Ouais, mais il y a Bad Santa aussi. Ouais. Bad Santa, oui, c'est J'ai vrai. figuré dans le deuxième à Montréal, justement, Ah avec oui. Kathy Bates. Wow. Il paraît que les critiques sont à chier. Mais oui, Silent Night, Deadly Night 2, qui était quand même un classique, parce qu'on en parle encore pas mal dans le milieu de l'horreur, surtout la passe Garbage Day! Puis là, qui tire, tu sais, son Killing Spree, là. Je m'en souviens plus, j'ai vu ça il y a 25 ans. C'est un classique dans les. Hey, moi, je me les gèle, fait que réchauffez-moi un petit peu les couilles, fait que on va tout de suite passer à ce qui nous écœure et ce qui nous fait jouir. Alors, ce segment s'intitule Marasme et orgasme. Qui voudrait commencer? Ben, la dernière fois, j'ai pas commencé, je vais commencer. Vas-y. Oui. Je vais commencer par mon marasme. Ça va dire. Bon. Eh bien, je pourrais m'attarder cette semaine à la revue de l'année 2016, qui fut au niveau politique, parce que c'est un sujet malheureusement qui m'est génétiquement, je sais pas. Bref. Je voulais dire pour mon marasme, je voulais faire une liste de tous les politiciens qui, cette année, m'avaient particulièrement fait chier. Comme par exemple Denis Coderre qui récidive avec son estilo attardé sur les chats. Ben oui, mesdames et messieurs, si vous avez un chat qui s'en va dans la cour du voisin, puis qui n'est pas supposé être là, ben vous pouvez avoir entre 500 et 700 $ d'amende. C'est ridicule. C'est complètement retard. Même chose s'il miaule puis que les voisins se plaignent parce qu'il miaule. Mais bref. Comme j'ai dit, il va falloir commencer à dompter notre chat, c'est ça? Bonne chance. Ouais, dompter le chat. Si tu peux pas empêcher un chat d'aller se promener. Non, je sais. De faire son territoire. Bref. Je pourrais parler de Justin Trudeau qui a retenu absolument aucune de ses putains de promesses et qui, au contraire, va complètement dans la direction opposée, notamment avec son lien et Israël, YouTube. Son lien avec la Tunisie ou l'Arabie Saoudite. Bref, un beau bonhomme, mais il est pareil comme Harper, une crise de marde. C'est vrai qu'il est beau. Puis je pourrais parler évidemment d'Hillary Clinton et son hypocrisie légendaire, mais je pourrais surtout parler de Trump. Trump qui va probablement déclarer à la fin, qui est probablement l'antichrist. Je pourrais continuer avec Poutine, je pourrais continuer avec Manuel Valls, etc., pour la Russie et la France. Mais non, mon marasme, honnêtement, c'est de me dire que on devrait faire une introspection, puis arrêter de se plaindre sur les politiciens, puis se dire que le véritable problème, c'est pas les politiciens. Puis là, je vais être assez cru. Je pense que c'est les astis de cave d'électeurs. Pas d'électeurs, pas de putain de politiciens. Si les gens se réveilleraient puis arrêteraient de croire au Messie, peut-être qu'il y aurait des changements dans notre société. Arrêtez de voter, exactement. Ça va changer. Continuez à voter, astis, il n'y a rien qui va changer, mais il y a du monde qui croit encore au Père Noël. Oh, Marc Latreboy. C'était mon lien. Ah oui, okay. Là, je passais à mon orgasme. Mais par rapport au vote, je suis un peu d'accord rapidement. C'est tout le temps très, très, très tabou de dire, genre, j'ai pas été voté, tout le monde te regarde de haut, tu sais. Mais si j'étais aux États-Unis, là, qu'est-ce qui est mieux, genre, dire, arriver dans un party et dire, hey, j'ai pas voté, ou bien dire, hey, j'ai voté pour Trump. Mais en tout cas, c'est tabou. Puis moi, je suis d'accord aussi. Arrêter de voter si tout le monde le faisait, ben, je pense que c'est peut-être le changement qu'on a de besoin. C'est clair qu'il y a du changement, ça c'est évident, mais le monde sont bien dans leur prison dorée. Faut croire. Mais bref, il y a du monde aussi qui vote pour les. Qui vote parce qu'ils ont probablement des bonnes raisons, là, que j'ignore, mais c'est pas important. Puis mon orgasme, c'est tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, je commence mes vacances! Hey! Good for you, Sam! Bravo! Ben oui, c'est Noël. Hey, combien de temps? Deux semaines jusqu'au 9 janvier. OK. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Rien. T'as de l'air fatigué, donc t'as de moi. Je suis content pour lui. Ben oui, il est tout. C'est tout? Ben, c'est tout. OK, ben moi j'ai deux orgasmes, deux marasmes. Oh, j'ai bravo. J'ai commencé par mes orgasmes. Premier orgasme. Bravo Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour avoir gagné un 8e championnat de division de suite. Bravo Bill Belichick, Tom Brady et compagnie. Ça, c'est mon premier orgasme. Au football de la Ligue nationale. C'est la luge, Oui, exact. C'est la luge. La luge de Londres. Mixte, en hommes et femmes. Non, mais c'est quoi? C'est quoi, Patriots? C'est du football. OK. La Ligue nationale de football. Puis il n'y a pas eu du rugby. Du rugby ou du football? Attends, je pense que la cinquième fois, du football. Ça existe, le football en Angleterre? Non, Patriot de la Nouvelle-Angleterre. Ah, ça n'a okay. pas été interrompu par des hooligans? C'est à Boston, non, ça. Non, c'est aux États-Unis qui parlent. La Nouvelle-Angleterre. Oh, excusez! J'avais pas... Excusez. Il y a peut-être des auditeurs qui vont faire la même piège que nous, là, Sylvain Hugo. Ah oh, oui, c'est ça, nous. Exact. Mon deuxième orgasme, c'est à Denis Villeneuve et Blade Runner d'avoir sorti son trailer. Teaser. On voit pas grand-chose. Ouais, c'est vrai, c'est un teaser. C'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Cool. Et c'est court. Cool, mais ça donne quand même une petite idée de ce qu'il va avoir dans le film. Blade Runner 2049. Allez voir ça quand même. J'ai aimé les images. J'ai aimé la couleur qui est utilisée. C'est très, très orangé. C'est très Blade Runner. Ouais. Christian, qu'est-ce que tu penses de teaser? Non, Blade Runner. Oh, vas-y, t'as-tu Blade Runner, c'est Blade Runner, ça. Oui, non, mais je veux dire, Blade Runner, c'était sombre, c'est dans la ville, tandis que là, c'est plus... Il y avait une couleur très orangée, quand on était au-dessus du ciel, au-dessus de la ville, les publicités étaient très dans les couleurs très oranges. Au début, quand on commence avec les édifices en pyramide, bref, c'était là. Ben moi, comme j'ai pas vu le teaser, mais comme j'ai déjà avoué, puis genre, j'ai pas honte, Blade Runner m'avait profondément emmerdé. On va passer à d'autres choses. Marc, j'avais mis 6,5 sur 10, mais Denis Villeneuve, j'ai pleinement confiance en lui. Et ce film-là, même si le premier, j'en ai rien à coller, Denis Villeneuve, je suis content qu'il ait pris ça, parce que je respecte totalement le culte, je respecte les fans. Donc, je suis content que ce soit quelqu'un d'aussi respectable que Denis Villeneuve qui s'occupe du deuxième volet et que ça soit pas une merde. qu'on connaît, un nobody qui... Il n'est pas overhypé, Denis Villeneuve. J'ai rien vu de lui, mais j'ai aucune idée. T'as rien vu de lui. Ni chaud ni froid, ce gars-là. Ben, comment tu peux savoir si t'as rien vu de lui? Comment tu peux dire de laisser ni chaud ni froid? Parce que c'est justement, tout le monde le hype. Moi, quand on hype quelque chose, ça me fait reculer. Je suis genre, OK, je vais attendre plus tard. Comme par exemple, j'ai un ami. Lui, les bons fromages, là, tu sais, les bons vins, il n'aime pas ça. Non, en tout cas, bref. Mes deux marasmes. Mon premier marasme, c'est à la Réserve fédérale américaine d'avoir augmenté son taux directeur de 0.25%. Ça veut dire que le Canada va suivre bientôt. Ça, c'est mon premier marasme. En français, ça voulait dire quoi? Ouais. C'est les Américains ont augmenté 0.25% leur taux d'intérêt. Donc, toutes les banques vont suivre. Ça va être la même chose ici. On comprend? OK, mais là, les banques font pas assez de profit? Non, en fait, c'est surtout pour combattre l'inflation. C'est pour ça qu'on augmente le taux d'intérêt, le taux directeur. Mais c'est pas créé par ça, justement, l'inflation, notamment? Non, si on augmente le taux d'intérêt, voire plus, ça va être pour le combattre l'inflation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, c'est pas le taux d'intérêt sur le prêt. Oui, tu vas augmenter. Ça. Donc, les clients vont devoir plus d'argent en banque. Mm-hmm. Puis c'est pour combattre l'inflation. Oui. Donc, les gens vont encore moins se payer. Donc, l'inflation va être plus élevée pour les gens du commun du mortel. Oui, tu as raison. Fait que ça l'encourage, ça rend le pouvoir d'achat du commun du mortel encore moins puissant. Moins puissant, oui, t'as raison. Okay. C'est pour combattre l'inflation pour qui, finalement? Pour les banquiers? Pour tout, finalement. Tout, tu peux dire, c'est pas de tes affaires. OK, c'est pas de tes affaires. Ben, pour tout, tout passe par les banques, là. Tout l'argent que t'as, là. Tout est dicté par l'argent, anyway. Mm. OK, mon deuxième marasme, c'est au frère Jodoin. Marc, parce qu'il a cancellé notre partie de mémoire 44 de ce soir. Non, je savais pas que ça t'avait tant que ça. Christian, parce qu'il y a deux semaines, il voulait que j'arrête de parler d'histoire. Cette semaine, il veut que j'arrête de parler de politique. La semaine prochaine, il va vouloir que j'arrête de parler complètement. Voilà. Ouais. Ben, il m'a dit qu'il voulait faire la pote Jacques Moy. C'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. Hein? Je suis la tête du podcast. Je suis le tyran. Et j'assume complètement. Moi, je suis c'est pas vrai. Non, mais j'ai eu des idées. Tu sais, comme je t'avais dit, non, mais j'ai goût de te donner des devoirs, tu sais, comme les sacres, puis tout ça. Là. Il va t'imposer les sujets. Mais ça ressemble. T'as tout compris. T'es pas content, tu décris ça. Ouais, ça aussi, je l'ai compris. Non, voyons là. Fait que, ben, merci. Hein? Fait que, on va attendre le Père Noël. Il vient tantôt. Ben, le Père Noël va peut-être venir. Mais ben là, c'était moi. Alors, orgasme et marasme. C'était chauffage, hein, ça paraît. Ouais. Orgasme. Alors, moi, je fais de l'eczéma. Mais c'est pas ça mon orgasme, mais ça a le rapport. Okay. Alors, j'ai deux orgasmes par rapport à mon eczéma. Moi, je t'écroute. Il y en a un qui est physique, puis l'autre qui est naïf. Mais avant tout, je vais faire l'historique de mon eczéma. Oh, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être un an et demi. C'est après avoir eu des punaises de lit que j'ai farouchement combattu. Ah, puis j'ai pas stressé, tout a bien été. Après, j'ai eu de l'eczéma. Je dis pas que c'est les punaises qui, en me piquant, m'ont donné l'eczéma, c'est pas ça. C'est le stress que peut-être j'aurais vécu, mais que j'avais pas vu sur le moment. Là. J'ai pas vécu de stress sur le moment tellement que je me suis mis j'ai contré ces saloperies, puis j'ai combattu. Puis après, pouf, de l'eczéma, j'en avais jamais eu avant vraiment. En tout cas, c'est tout le monde qui me dit ça, le stress. Alors, c'est peut-être l'historique de cet eczéma, même si je suis un être angoissé qui prend des antidépresseurs, ça fait juste un an et demi que je fais de l'eczéma. C'est ton orgasme, ça? Non, c'est ça, j'ai pas fini. Okay. Avec l'eczéma, non, je parle un peu de mon eczéma puis son historique. Puis avec l'eczéma, à un moment donné, j'ai voulu faire du cash, tu sais, parce que des fois, dans le métro, genre, tu vois « Études pharmaceutiques, nous voulons tester des nouveaux médicaments. Alors, si vous avez de l'eczéma, appelez ce numéro et nous vous donnons de l'argent. » J'ai appelé, puis là, j'ai décrit mon eczéma, puis selon eux, j'en avais pas assez. Donc, je peux pas faire de l'argent avec mon eczéma. Bref, un de mes orgasmes avec mon eczéma, c'est les gratouilles. Je suis aux anges quand je me gratte l'eczéma, là, c'est fou. Là. Puis si j'étais nu sur un plancher, puis il y avait des femmes qui me gratouillaient, là, je pense que jamais j'irais aussi loin dans l'extase et le nirvana. C'est un plaisir immense de se faire gratouiller. Ça augmente pas l'eczéma? L'eczéma, oui, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon, mais c'est tellement bon. L'autre, l'eczéma, là, ça c'est l'orgasme naïf. L'eczéma peut résulter du manque de certaines protéines formant les couches superficielles de la peau, ce qui entraîne une barrière cutanée défectueuse. Il va falloir que je te vienne d'en face. les défauts de la barrière cutanée pourraient protéger contre la formation de tumeurs. Alors oui, j'ai lu, selon une étude, que l'eczéma peut réduire le risque du cancer de la peau. Merci, bonsoir. Marasme. Fait que je lis un livre, c'est l'affaire Turcotte, sur l'affaire Guy Turcotte qui a tué ses deux enfants. Je ne veux même pas parler de ça, ça n'a pas rapport. C'est dans les premières pages que j'ai lues, c'est à propos de les procès. Il y a un avocat de la couronne, il y a un avocat de la défense, et il y a des experts. L'avocat de la défense va s'acheter des experts, l'avocat de la couronne va s'acheter des experts. Alors, il y a des questions inévitables. Même sujet. Alors, comment est-ce que des professionnels peuvent-ils en arriver à des opinions aussi différentes sur l'état mental d'une même personne ou sur d'autres éléments ou facteurs? Ben, qu'est-ce qui est triste? C'est que ces experts défendent la théorie de la partie qui les ont engagés. Parce que ces experts-là sont payés, n'est-ce pas? Moi, j'ai l'impression qu'il y a apparence de partialité. Et dans ce cas-là, ben, on aide un peu moins le tribunal à rendre une décision juste et éclairée puisqu'on pense à son petit nombril et à son portefeuille. Certains vont même jusqu'à réinventer la médecine, donc pour protéger son client, pour s'assurer c'est comme s'il se prouvait, il voulait montrer au client qu'il fait une bonne job, ben il va éviter certaines choses, il va omettre certains détails importants, il va peut-être tourner autour de la vérité, puis ils vont inventer des choses. Bref, c'est un peu horrible, puis je vais faire un petit pont avec la politique. C'est que, tu sais, les politiciens, pourquoi justement c'est des partis politiques qui sont tout le temps en train de s'engueuler? C'est rare qu'il y ait quand même un commun accord. Ben, je me trompe peut-être. Ça fait partie du show. C'est tout des chums, c'est du show. C'est de la boucane, leur engueulade. Mais c'est quand même drôle parce qu'ils veulent le bien, puis ils se chicanent tout le temps. Les politiciens veulent le bien? Non, mais ils veulent le bien de quelque chose, tu sais. Leur propre bien à eux, puis leur chummy, c'est tout? Mais non, quand même. S'ils vont en politique, sûrement pas pour faire de l'argent. Si tu veux le bien d'une société, tu vas pas en politique. En fait, tu diriges en politique, sauf qu'une fois que tu es rendu à quelque part, tu franchis une ligne, puis là, l'on te perd. Là, tu deviens un politicien, puis là, tu deviens plus un citoyen, puis tu es ailleurs. C'est comme ça que je vois ça. Mais tu sais, les spécialistes, les experts, là, check, il y avait des études des années 60, 70, je sais plus c'est quoi la décennie, là, des compagnies de tabac, des études qui étaient financées par des compagnies de tabac pour montrer et démontrer et prouver que la cigarette pouvait avoir des effets bénéfiques sur la santé. Ouais. Bon, on voit ici que finalement, les experts, c'est des putes qui disent un peu ce qu'on veut avec du cash, un peu comme les sondages, ouais, par exemple. Alors, c'est pour ça que justement, Isabelle Gascon, merde. C'est qui ça? L'ex de Guy Turcotte, Calvin. Je t'entends lire son roman. Ah, c'est Isabelle quelque chose. Ouais, je pense qu'il y a Isabelle Gascon. OK, ben c'est ça. Elle pousse pour ce que certains pays font, c'est que c'est le juge, en fait, qui va engager un expert. Puis cet expert-là, il peut être supervisé par un ordre quelconque, mais il y en a juste un Christie d'expert. Il y en a pas deux, Esti, qui essayent d'avoir le plus haut, le bout du bâton, puis qui dit, Esti, c'est vrai, moi, ma paye, j'avoue, puis je vais être réengagé, puis je sais pas trop quoi. Mais puis il y a même le collège des médecins aussi qui propose aussi un panel d'experts tous aussi neutres mais qui se parlent entre eux et qui sont pas un contre l'autre. Fait que ça c'est mon marasme là, en lisant ça, t'as plus qu'une personne que tu viens de le dire, t'as plusieurs opinions, donc tu dis ils parleront pas un contre l'autre mais ils vont sûrement avoir des opinions une différente de l'autre puis peut-être mais c'est comme un jury. Il y a pas de participer au moins. C'est un panel d'experts, il n'y a pas de parti pris, alors que là, c'est une opposition entre la défense puis comment on dit l'autre côté, la défense puis La couronne, c'est ça. Mais supposons, si genre t'es engagé par un certain parti, genre la couronne, puis tu peux à la limite en crisser de détourner la vérité puis dire des conneries. Sauf que là, si c'est un panel, tu sais que t'es observé par d'autres experts, fait que tu vas essayer de pas trop passer par un cadre, tu sais. Mais de toute façon, déjà en partant, le mec, OK, il a tué ses deux kids. OK? Les experts, ils servent à quoi, là? Ben, savoir s'il était, si lui savait qu'il faisait le mal. C'est un criminel. S'il savait qu'il faisait le mal. OK, le gars, c'est un père de famille. Il a tué ses deux kids. Là, on engage des experts pour savoir s'il faisait le mal. On est rendu bas dans notre société pour engager du monde pour savoir si c'est le mal de tuer ses deux enfants quand t'es père de famille. Je vais pas faire l'avocat du diable, mais c'est pour ça qu'il y a des experts. C'est pour savoir si lui, dans sa tête, c'est un blackout. Blackout de quoi? Il était pas contrôlé par autre chose. Le diable? Ouais. Ah, oh, OK. Bon, ben là, je sais qu'aux États-Unis, par contre, mesdames et messieurs, encore aujourd'hui, le diable, parfois, fait partie d'une preuve lors d'un procès. Par exemple, le cas des deux adolescents qui avaient été accusés d'avoir tué un jeune enfant dans la télésérie, le documentaire en deux parties, Paradise Lost. Le diable faisait partie d'une preuve flagrante disant qu'il aurait influencé les deux jeunes à avoir tué les enfants. Ouais. Peut-être, sauf qu'ils s'en sortent pas juste avec 25 ans maximum de pénitencier, eux autres, là. Ouais, c'est ça. Mais quand tu vois. Non, mais quand je parle du diable, je parle plus de la folie, là, parce qu'un fou, il devrait pas aller à la même place qu'un criminel. Là, OK, mais un père de famille qui tue ses deux enfants, je suis pas spécialiste, mais il a fait le mal, puis il est fou. C'est pas compliqué. C'est clair que c'est fou, tu sais. C'est rendu que chaque personne qui va faire un meurtre, un crime quelconque, va se dire, ben finalement, j'étais possédé ou bien je n'étais pas sur moi-même, et il peut s'en sortir de même. Tu sais. Ouais, mais. Quand il plaide tout ça maintenant. Non, mais quand je te parle du procès aux États-Unis, c'était pas pour les déculper. C'est pour dire que le diable était avec eux également. Donc, ils sont doublement coupables de satanisme et d'avoir tué un enfant. Okay. Là, je revenais sur Turcotte, là, puis toutes les causes qui sont ici au Canada. Maintenant, ça va être rendu ça. Là. Tous ceux qui font. Tous les criminels vont dire je n'étais pas moi-même, et alors, donc, je plaide non-responsabilité pour cause d'aliénation mentale. De toute façon, dans les deux cas, il est séquestré. Sauf que lui, il faut qu'il rencontre des psychiatres, des experts qui vont savoir s'il est crus ou non. À moins d'être un psychopathe et d'être un manipulateur. Manipulateur. Toi, si t'étais comédien, t'as une formation de comédien, est-ce que tu jouerais la comédie face à ces psys-là? Ouais, mais j'ai l'impression que les experts, tu sais, il y a certains experts qui travaillent dans le domaine qui seraient capables, en faisant des pièges. Moi, je pense que seul le psychopathe est capable lui-même de piéger un expert. Alors que les autres, avec divers stratagèmes, ou je sais pas, tu sais, c'est pas facile non plus d'être une personne froide et longtemps, alors que justement, dans la vraie vie, tu l'es pas. Le podcast le plus downloadé aux États-Unis, ça s'appelle Serial. C'est écouté par des milliers, je pense même des millions de personnes. Là. C'est sur justement le cas d'un gars d'un adolescent au secondaire qui aurait tué sa blonde. Bref, t'as entendu parler? Ouais, je l'ai écouté. Ah, t'as écouté? Ouais. À un moment donné, une experte a dit des causes de psychopathe, t'en vois pas, puis c'est extrêmement rare. Puis quand t'en vois, c'est vraiment pas ce qu'on pense. C'est vraiment autre chose. Fait que c'est drôle de toujours plaider ça, psychopathe. Oui, c'est sûr. Ouais. Ben, c'est pour ça que je pense que on peut pas. C'est difficile de détecter un psychopathe. Tu le sais après sa mort, tu le sais après être sûr de tout ce qu'il a fait. Parce que lui, il peut te manipuler, puis te dire ben non, c'est pas moi qui l'ai fait, je suis guéri, puis ok, ciao. Mais une fois que, genre, tu vas lire son journal intime, tu fais. OK, il y en a fourré une crise de gang, le tabarnak. Moi, j'ai une question. T'as parlé de politique là, un petit peu, là. Puis t'as dit que t'aimes même pas la politique. Je comprends pas, Christian. Non, mais parce que moi, parce que j'ai envoyé un message personnel à Marc Latrébeau, on peut le lire, si vous voulez. Puis là, ben, il a l'air un peu froissé. Non, mais j'ai fait t'écrire en disant « T'es-tu chaud, Christian? » C'est vrai? Oui. Tu pensais que j'étais sous? Je te sais pas ce Canada. Je tenais l'Écosse de Post-Canada. Ah, OK. Ouais. Tu tenais l'Écosse? J'étais dans les Bécosses. Ah, oh, OK. J'ai écrit mon message, le cul assis à la bonne. Mais tu sais, Guy Turcotte, là, c'était... Attends, il parlait de quelque chose. Non, mais je dis non, ça me tentait d'écrire ça, juste pour calmer... Non, je voulais juste que le podcast prenne une direction, je dis pas qu'on parle plus de politique, là, mais je me rappelle qu'à un moment donné, toi, tu avais dit que tu aimerais que tes marasmes et tes orgasmes, ça soit juste de la politique. J'ai-tu dit ça? Ouais, à un moment donné, tu l'as dit. Hein? Tu l'as peut-être pas dit sur un enregistrement, là. Ah. Mais attends, là, mais... j'écoute plus, fait qu'imaginez-vous les éditeurs, on peut-tu changer de sujet? Ah, ouais, non. Mais moi aussi, quand tu parlais tantôt, J'allais juste dire, Guy Turcotte, quand il entoule, quand il est dans un asile psychiatrique avec les coupeurs qu'il y a, ça va être quoi la christie de différence au niveau de sa qualité? Va-tu vraiment en avoir une? Dans les deux cas, il va être stocké, là. C'est quoi? Qu'est-ce que ça change, Chris, qu'il soit fou ou non? Dans les deux cas, il va arriver au même résultat. Peut-être qu'il va être libéré plus tôt. Ouais. Que s'il avait été... So what? Il a été libéré au début. Il a tué ses enfants, il va pas recommencer. Attends une minute, t'es-tu en train de dire lui, qu'il était non responsable? Là, à cause non, je suis en train de dire que si, disons, il s'en va en prison ou en asile, ça changera pas grand-chose dans sa qualité de vie. Dans les deux cas, il va en chier. S'il sort de prison ou il sort de son asile dans 10 ans, je crois pas que c'est un homme dangereux pour la société. Je pense qu'il est dangereux, surtout pour lui. Ça me surprend qu'il s'est pas encore suicidé. Ouais, c'est ça. Puis dangereux pour sa future conjointe, mais je pense qu'elle va comme avoir un background sur le mec. Fait qu'il va avoir de la difficulté en esti à se trouver une blonde, sauf si c'est une psychopathe elle avec. Puis de toute façon, deux enfants de moi, on le disait... Ben, je pense qu'il a reçu des lettres d'admiratrice. Ben, c'est ça, mais deux enfants de moi, on en parlait l'autre fois. So what? Ces enfants-là, qu'on ne connaîtront pas le dérèglement climatique, qu'ils connaîtront pas la crise économique, la Troisième Guerre mondiale, ils connaîtront pas la pauvreté, la tristesse d'affronter un avenir qu'ils n'auront pas. Marc Letrémouille, c'est peut-être une bonne chose qu'ils soient morts. C'est peut-être un acte altruiste, ça, là. C'est plein d'amour. L'optimisme de Marc Jaudoin. Tu voulais-tu parler d'un livre? Ouais, c'est juste une suggestion de livre de la semaine. En fait, non, peut-être pas de livre de la semaine, livre du mois. Mais là, en fait, le livre du trimestre, parce que j'en parlerai pas tout le temps, là, de livre. C'est juste que... Mais là, t'es-tu correct, là? Ouais. Un câlin. Juste si tu me flattes un petit peu. Je veux juste que le Père Noël arrive. Le Père Noël va arriver, puis tu parlerais politique avec. Je sais pas c'est quoi son opinion, justement, lui. Au Père Noël? Ouais. Je pense qu'il est rouge. Okay. A Field Guide to Lies, A Critical Thinking in the Information Age. Ça, c'est le titre en anglais parce qu'il ne l'a pas encore en français. C'est comment distinguer le vrai du faux, comment on distingue la mésinformation, les pseudo-faits, la distorsion et les mensonges de l'information fiable. Daniel Levitin, ça c'est l'auteur du livre, nous donne le moyen de les éviter, de les trouver à l'âge des réseaux sociaux et de l'information à haute vitesse. Ça veut dire comment détecter le vrai du faux avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est un livre à suggérer à monsieur et madame tout le monde. Ouais, total, ça doit être super intéressant. Ça, tu l'as-tu lu? Non, je ne l'ai pas lu, mais c'est dans mes livres à lire. C'est clair. Mais c'est drôle parce que sur Facebook, prochainement, si ce n'est pas déjà fait, il va y avoir une application où il va y avoir quelque chose qui détecte les mauvaises informations. Wow! OK, basé sur quoi? Aucune idée, c'est Facebook. C'est Facebook qui le dit, fait que peut-être que déjà là, cette information-là est fausse, mais. mais il paraît que c'est ça. Il paraît que. Non, ouais, mais je veux dire, dernièrement, tout le monde s'est plaint de ça, là. Fait que c'est sûr que Facebook va faire une espèce de lavage. Donc, ça veut dire que Radio-Canada, la presse, TVA peuvent plus vraiment diffuser d'informations sur Facebook. Je vais parler de bouquins, moi aussi. Ben, je vais retourner un peu, malheureusement, pour vous, chers auditeurs, puis qui aiment Noël. Mais ça va être encore un peu dark. Ben, c'est ça, c'est pour ceux, justement, qui veulent des hauts le cœur. Le livre « Les couples de tueurs en série les plus monstrueux » est pour vous. Ben, en fait, je veux juste dire rapidement, j'ai lu beaucoup de livres sur les tueurs en série, puis ça, c'est celui... Un de ceux qui m'a vraiment donné le haut le cœur, justement. J'avais le goût de prendre des pauses entre chaque chapitre. Puis regardez, c'est ça la pochette. Mais rapidement, ce qui est vraiment intéressant, c'est le portrait type de ces tueurs-là, qui est quasiment tout le même. Rapidement, je vais passer à travers, puis après, vous pourrez commenter si vous voulez. L'homme, c'est un accro au sexe, un délinquant sexuel. Sa soif est insatiable. Il veut toujours aller plus loin dans les expériences parce que faire l'amour pour lui avec quelqu'un qu'il aime, c'est trop ordinaire. Violer un moment donné, ça devient trop ordinaire. Faut qu'il aille plus loin. Puis même aussi, il y a le mélange de vouloir voir souffrir aussi qui rentre un peu là-dedans. Fait que c'est un peu, lui, son but dans la vie. Mais comme par enchantement, un jour, ce psychopathe va trouver sur son chemin la femme parfaite pour lui. Obéissante, soumise, mésadaptée, mais surtout une complice totale, voire même aussi déviante des fois, aussi déviante que cet homme. Mais généralement, ces femmes très, très dépendantes à son homme, n'auraient jamais trempé dans le crime s'il n'avait pas rencontré cet homme-là. Souvent, c'est des femmes assez timides, même qui ont énormément besoin d'amour. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des exemples de crises de folle, là. Comme il y a Carol Bundy, aucun lien avec Ted Bundy, qui elle maquillait la tête décapitée d'une pute que son conjoint avait décapité. Il y a Catherine Burney qui avoua prendre aussi plaisir autant que son mari quand on violait les victimes. Mais ces femmes font tout pour l'amour de leur homme. Tu sais, au début, leur première relation, lui, il se présente comme un prince charmant, puis à un moment donné, il dit « Hey, ça te dérange-tu si je vais baiser ailleurs? » Ben, elle l'aime tellement qu'elle dit oui. Puis à un moment donné, ça te dérange-tu si toi puis moi, ben, on se promène en camionnette, puis on kidnappe une fille de 12 ans, puis on la viole? OK. Hey, ça te dérange-tu si, ben, avec une hache, je tranche la tête? OK. Wow! C'est assez fou. Prenez justement Carla Molka, qui a drogué sa propre sœur pour que Paul Bernardo puisse la violer. La sœur en est morte, puis Carla a poursuivi la relation quand même. Là, elle a continué, puis je pense que le mariage est même venu après, je sais pas si je me trompe pas. Là. Oui, c'est vrai. Le mariage est venu après. Elles vont tout de même changer leur... Ah, c'est ça. Elles vont quand même changer leur fusil d'épaule... Tu connais pas ta propre écriture. Elles vont tout de même changer leur fusil d'épaule lorsque le couple sera condamné. Parce que c'est vous, parce qu'après l'arrestation... Ben lui, l'homme, au début, il est dans le déni, tu sais, il accuse sa femme ou « Non, j'ai pas fait ça pantoute. » Souvent, il reste très, très silencieux. Puis à un moment donné, quand on y met l'épreuve d'en face, ben c'est avec fierté qu'il va avouer. Puis face au public, le tueur en série, il jouit de sa popularité, là, tu sais, il est content, puis il établit même les règles du jeu. Les femmes sont plutôt du genre à nier jusqu'à la fin, puis ils prendront aucun plaisir à être une figure publique. Donc, la femme, elle, qu'est-ce que je veux dire aussi? Ben, c'est ça, elle a vogné souvent. Puis, c'est ça que je veux dire, je pense. La femme est surtout sous l'aile pressive de son mari. Ouais. Est-ce qu'il y a des couples que c'est l'inverse? Pas d'après ce que j'ai vu, non. Il y a des couples qui se sont aimés. Tu sais, il y en a qui se sont aimés jusqu'à temps que les deux se ramassent à la chaise électrique puis que leur dernier mot soit à leur conjointe, là, je t'aime. Fait que peut-être que là, il y avait pas autant de domination de la part du gars, là. Mais souvent, la femme, je veux dire, elle va se faire traiter comme de la merde. Puis, tu sais, le gars est en train de violer à côté. Elle écoute son émission à télé, puis elle a rien à dire. Je veux dire, non, c'est fou. Puis c'est ça, c'est à peu près tout pareil, là. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, hein? Les têtes des femmes qui sont soumises comme ça? Ben, souvent, tu vas voir dans leur enfance. C'est peut-être à dire, mais souvent, c'est okay. Un peu leur enfance aussi. Puis je dis pas qu'à cause d'une enfance de... Une enfance où est-ce que tu as été martyrisé ou ignoré, que tu vas devenir ça, mais... On peut dire qu'il y a trois types de couples monstrueux. Il y aurait le type couple passif-actif, la femme qui n'est pas au courant puis son mari qui tue. Ça, c'est classique. Il y aurait le couple où est-ce que la femme est au courant mais ne participe pas au crime de son mec. Et tu aurais le couple actif-actif où est-ce que la femme participe activement. Ouais. Bon. Dans les couples... Attends, c'est quoi que tu as dit le premier? Le premier, c'est que la femme n'est pas au courant. Ah, OK. Là-dedans, il y a des bons pères de la famille qui sont toujours en série. La famille était genre, « What? Mon mari a tué 28 personnes! Ouais, » Moi, je veux savoir, dans les couples actifs, c'est quoi leur plaisir sexuel avec les victimes? Ah. C'est quoi? C'est du sadomasochisme? C'est du sadomaso. C'est sûr que la femme est contente de voir son homme se faire autant de plaisir. Fait que déjà, là, ça va lui donner un plaisir de je sais pas, là... Masochiste. Par rapport au sexe, ouais, d'être masochiste, ouais. Mais aussi, comme j'ai dit tantôt, il y en a une qui a même maquillé la tête décapitée d'une pute, tu sais. Quoi, pour que son mari puisse l'embrasser? Non, mais ça, peut-être qu'elle faisait ça toute seule dans le salon. Fait que ça, c'est... elle trippait toute seule. Mais je pense que généralement... La femme va dire à son mari pendant l'acte avec une fille, « Ah, j'aime ça que tu sois de même, puis moi aussi, je vais te suivre. » Carla Molka, c'est un peu ça ce qu'elle faisait. Là. Après, ça a été vu sur des tapes. Après avoir tué sa sœur, au début, tu sais, aucun remords. Est-ce que vous considérez ça comme un couple de tordus, genre, dans les années... Non, tout à fait normaux. Non, mais au début des années 2000, ils circulaient sur Internet, puis on pouvait s'y procurer assez facilement. Je les avais presque toutes consultées. C'était un couple qui avait tué un homme, qui l'avait découpé en morceaux, puis qui avait photographié toutes les différentes étapes de la mutilation. L'homme qui a été tué était l'ex, on pourrait dire, de la femme. Il la battait, il la maltraitait. Elle avait un amant. Elle et son amant ont décidé d'assassiner le mec, la femme qui la maltraitait puis qui la battait. Ça, c'est sick, mais c'est quand même presque justifié, non? Oui, mais parce que ça dépend aussi de la méthode. De... T'as l'air de découper en petits morceaux, là. Tu sais, tu peux, oui. Oui, oui, oui. Surtout que les photos, là, sont assez ragoûtantes, merci. Là. Puis on voit les deux membres du couple là, qui ont l'air de s'amuser avec, par exemple, ils mettent le pied dans la bouche du mec. Ou... Mais tu parlais de Carla Molka. Bon, aujourd'hui, on sait qu'elle est sortie de prison. Est en prison à 7 ans des plaines. Est-ce qu'elle est, entre guillemets, guérie? Est-ce qu'elle est... Elle a fait payer sa dette à la société, puis elle a... Oui, mais Bernardo, lui, je pense qu'il sortira jamais. Non, il sortira jamais, lui, je pense. Quoique, tu sais, tu peux pas rester, je pense. Ah ben, ça dépend du nombre de chefs d'accusation, puis ça fait un total de combien d'années, mais prison à vie, je pense, c'est 25 ans. Mais c'est cette soir-là, il sort pas. Ici, comparativement aux États-Unis, ici, les chefs d'accusation sont pas cumulatifs. Aux États-Unis, sont cumulatifs. OK. Donc, t'as 25 ans maximum, mais je crois des... cas comme Bernardo, il sortira jamais. Non, je pense qu'il sortira pas. Mais elle, non, ben c'est ça. Elle a payé sa dette à la société, mais ben là, est-ce qu'elle a des remords? Tu le sais-tu? Ben, je m'en souviens plus quand il est sorti. Mais pourquoi il faudra des remords pour payer sa dette à la société? Non, mais est-ce qu'elle a une tête, sa tête, ses épaules? Cute, en tout cas, elle habite sa Rive-Sud en ce moment. J'essaie de trouver son adresse personnelle, pas capable. Carlos, si tu m'écoutes, Marc Jodoin. T'es sûr qu'elle était à sa Rive-Sud? Ben là, elle a des enfants, elle a un mari, puis... Pour vrai? Oui, elle a recommencé sa vie. Non, je déconne, elle habite aux États-Unis, elle n'écoutera jamais ça. Mais elle a déménagé aux États-Unis. C'est une belle petite blonde. OK. Puis tu sais, avant de rencontrer Paul Bernardo, elle travaillait dans un toilettage pour chiens ou un vétérinaire, je sais pas, puis elle prenait soin des animaux, tu sais, elle guérissait, elle faisait du bien. Fait que des fois, c'est un manque d'amour, puis t'es une bonne personne, je sais pas, puis là, tu rencontres la personne qui te donne l'amour que tu veux, puis tu fais tout ce que tu veux. Ben, la belle et la bête, là. Mm. Mais en même temps, je prends pas la défense de Carla Molka, parce que ça avait l'air aussi d'une petite fuckée aussi, là. Ouais. Oui, elle avait un regard assez épeurant. On peut-tu classer ça dans « erreur de jeunesse » Marc Latrémouille, veux-tu nous parler de politique? Non, t'avais non. pas... j'ai mis une croix là-dessus! Non, c'est pas vrai. T'avais... Ben non, on continue. T'avais-tu un film? Tu voulais parler d'un film? C'est pas un film. C'est des vidéos que tu trouves, par exemple, sur le web, tout ça. On parle du Pôle Nord, tu sais, bon, on sait que le Père Noël ne demeure pas au Pôle Nord. Ce serait pas possible, de toute façon, parce que le Pôle Nord, c'est de la glace, hein, l'Arctique. Mais par contre, à l'opposé complètement, l'Antarctique, il y a une trentaine de pays qui ont des stations scientifiques au pôle sud. Et puis, par exemple, je vais prendre un exemple. La station scientifique... Attends une minute, je vais prendre mes notes ici. Ouais, c'est intriguant. La station scientifique Amundsen-Scott, qui est exactement sur le point géo-sud du pôle sud, exactement au pôle sud. Comment je peux dire ça? L'extrême, je sais pas. L'extrême pôle sud, exactement. Le pôle sud. le cul-point culminant. Voilà! Je veux dire au centimètre près, au mètre près, au kilomètre près? Je dirais au mètre près. Jesus Christ. Ouais. Ben, c'est une station. Mais la Terre, en même temps, c'est une sphère, là. Fait que je vois pas comment on peut déterminer le point exactement, là. C'est purement. Mais on fait des calculs. Ouais, des calculs sur quoi? C'est un putain de ballon. Ouais, ben avec un satellite, c'est pas GPS et tout, c'est facile. Le globe, c'est facile à savoir. Puis avec le soleil également, là. Il y a exactement 6 mois de jour et 6 mois de nuit là-bas. Par rapport à l'axe de la Terre, tu veux dire en angle, là. Donc, il serait là. Oui. Et non pas là. Il serait là. Là, je te suis pas, là, mais je te montrerai avec un dessin. Mais c'est quoi cette affaire-là, ouais? Ben c'est une base scientifique au pôle sud, puis l'été il y a peut-être 200 personnes qui travaillent dessus, c'est une base américaine, puis l'hiver il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent dessus. Et puis un truc qui travaillait, son nom c'est Jeffrey Donenfeld, il y a 3 ans il a filmé la base scientifique, il fait faire un tour de la base, puis il décrit en même temps. Ici, c'est par exemple, c'est la cafétéria. Ici, ce sont ici c'est ma chambre. Ici, c'est les garages. Ici, c'est l'endroit où on stocke la bouffe pour 6 mois, etc., etc. C'était assez intéressant. C'est une tournée de la station polaire. Et allez voir ça. Puis faites juste aller sur YouTube et écrivez South Pole Station. De toute façon, le titre au complet, c'est Amundsen Scott South Pole Station Antarctica Tour. Mais si vous écrivez juste South Pole, tu as des choix après ça, c'est Station. Tu cliques là-dessus, puis après ça, ça dure une trentaine de minutes. C'est un tour qui est assez le fun. Il n'y a pas de punch, là. Je m'attendais à X-Files, quelque chose, une recherche sur une race extraterrestre. Ah oui, comme le film The Thing, là. Exactement, c'est quelque chose de même. C'est non, mais juste ça. Habité là, quoi. Ah non, mais non, c'est scientifique. C'est scientifique, puis tu peux voir c'est quel genre de... Ils font des études sur le froid. sur la température, sur le froid, puis l'hiver sur les astres. L'hiver, quand il n'y a pas de soleil sur les astres. Finalement, c'est une gang de personnes qui, genre, le gars, il est en couple, sa femme l'énerve, il décide de le travailler là, il y a la paix. Oui, il fait que c'est des affaires de 6 mois, genre. Peut-être pas 6 mois, mais c'est une couple de mois, là. Okay. Une couple de mois, puis souvent, il passe par la Nouvelle-Zélande pour aller à le pôle sud. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est un lien plus rapide pour eux. bref, c'est assez intéressant pour ceux qui veulent savoir comment le monde vit là-bas. Alors, c'est pas des appartements comme il y a ici à Montréal. Là, hein. En passant, c'était construit dans les années 50, puis ça s'est amélioré à tous les... Ouais, ça s'est amélioré à tous les ans. Tous les ans, ils ont toujours... Ben, je dis, j'exagère, tous les ans. Peut-être tous les 10 ans, ils améliorent la station, ils rajoutent quelque chose. Oh, pour aller au dépanneur, genre, il peut sortir dehors. C'est pas à l'intérieur d'un dôme, puis sous la neige. Là, il y a un petit village, genre? Pas du tout, c'est pas un village, c'est une station. C'est ça, mais tout est à l'intérieur? Tout est à l'intérieur. Okay, parce qu'il y a pas d'heure, le cinéma. Il n'y a pas de... 200 personnes, il n'y a pas de cinéma pour 200 personnes. Sauf qu'il y a des trucs en dessous de la neige, justement. Les garages. Des extraterrestres? Les... Des bars dedans, il y a-tu un bar de danseuse? Bon, finalement, je pense que c'est juste moi qui ça intéressait. Je trouvais ça fascinant à faire une visite guidée. Non, moi, je trouve ça intéressant. Une visite guidée de cette station-là. Parce que ces gens-là sont reclus totalement de la société. Exact. Donc, au lieu de prendre 6 personnes puis des foutre dans une étude pour savoir comment que les gens vont interagir sur Mars, le pognier là, on a juste regardé les autres. On a déjà des études qui existent déjà, pas obligé de faire des études sur des gens volontaires à s'enfermer pendant 6 mois. Sauf que c'est assez gros. C'est pas petit. C'est quand même. Ils ont un gymnase, ils ont une bibliothèque, une grosse cafétéria. Ça va être gros comme une. J'en ai vu plein de films de même, des films qui se passaient dans des endroits de même. Tout le monde meurt à la fin, hein? Dont un, ouais. Dont un avec la belle Kate Beckinsale qu'on voit en petite culotte. Ah, calique. Ouh, un silence ici. Oh, Père Noël, ils en vient. Ils montent. Mais ouais, puis Dating aussi, justement, c'était des scientifiques au pôle sud, pôle nord, je sais pas. Je pense que c'est plus en Antarctique. Non, c'est au pôle sud. C'est au pôle sud, Dating. Dating, ouais. Qu'est-ce que c'est de bon film? Ouais, j'ouvre une parenthèse, justement, par rapport à Dating. Parce qu'à la fin, là, il y a deux survivants. Il y a Kurt Russell, puis il y en a un autre. Puis on se demande toujours c'est qui le... Le Black? La créature là-dedans. Ben, je pensais qu'elle était morte. Non, tout le monde, parce que c'est supposé être un des deux. Pourquoi? Ben parce qu'elle est toujours vivante, puis en tout cas, tu checkeras ceux qui sont... ça fait 2 fois que j'entends ça, c'est que dans le film, les êtres humains qui ne sont pas l'extraterrestre, on voit le reflet de lumière dans leurs yeux. La créature n'a pas le reflet de lumière et à la toute fin... Ben, celui, l'acteur qui n'a pas de reflet dans les yeux devrait être la créature. J'ai été voir la dernière scène sur YouTube, c'est pas évident. Mais ça fait 2 fois que j'entends cette. C'est un gars qui a travaillé sur le set. Et tu vois quoi? Non, mais c'est juste, ça te fait juste dire c'est attends, qui le gars qui a travaillé sur le set, là, lui, il a décidé ça, là. Non, mais il dit que c'est Carpenter qui, lui, voulait que ce soit le plus subtil possible, puis qu'il fallait qu'il y ait un petit quelque chose. Mais tu sais, je l'ai lu dans un magazine d'horreur, puis je l'ai lu. Mais nulle part dans le film, il parle de ça. Mais non, je sais, c'est ça. C'est quelque donc, chose, pourquoi? C'est quelque chose de très subtil dans le. Ben, justement, qu'on sait là, regarde, c'est quelque chose qu'on sait si le film était fait quand. Ouais, c'est le fun. Plus tard, ben. Mais en même temps, tu vas voir ça, la dernière scène, tu regardes, puis. Mais j'allais checker à soir. C'est pas sûr. J'allais checker à soir. Ouais. Ce que je voulais dire, là, c'est exactement, c'est le pôle sud géographique. Merci. C'est tout ce que je voulais dire. Et ce qui indique le pôle sud exactement géographique, c'est un petit. Je vous montre une photo en passant, là, sur. Sur Wikipédia. C'est même. Ça, c'est comme une sphère, j'imagine, on dirait une sphère qui reflète. C'est comme une sphère avec des drapeaux de toutes sortes de pays autour. Ah, puis la station est en arrière. OK, c'est la station, c'est comme une espèce de boule qui sort du sol. Tu parles de la station? Bon, on dirait une grosse sphère qui sort. Ouais, mais ça, c'est un des buildings. Il y a plus qu'un building là-bas. Moi, j'aimerais ça, les loups. Moi aussi j'aimerais ça. Ça va être le fun de faire ces heures de... Parce que, à un moment donné, pour justement passer le temps, ils font pas juste travailler, passer le temps. Il y a un gymnase, il y a une bibliothèque, il y a même des endroits où tu peux jouer à des jeux vidéo. Là, puis, c'est cool. Non, mais j'espère qu'il faut nourrir leur... Un minimum de divertissement, c'est clair, si on va donner fou. Là. Oui. Parlant de divertissement, ben, je reviens avec ma merde et mon bijou. Ma merde... ma merde des bons bijoux, là, ce que j'ai aimé à regarder à la télévision. On dirait que t'es déconcentré, là. Comme film, ouais, comme film. Alors, je vais commencer avec ma merde. Alors, c'est My Soul to Take, l'avant-dernier film du grand maître de l'horreur, Wes Craven, qui est mort le 30 août 2015. Alors, My Soul to Take, j'avais donné comme note 4.9 sur 10. Wow. Et après, j'étais voir la note d'Internet Movie Database, 4.8 sur 10. Rotten Tomatoes, 9%. J'ouvre une parenthèse pour ceux qui pensent que Rotten Tomatoes, genre, c'est des notes. C'est pas des notes. Je vais expliquer tout de suite. 9%, c'est comme si 9% des critiques avaient aimé. Et c'est pas la moyenne des notes que des gens ont données. Genre, c'est pas 9% sur 10, voici ta note. C'est, disons qu'il y a 100 personnes qui ont vu le film. Ben, sur les 100, il y a 9 personnes qui l'ont aimé. Fait que ça se calcule de même, Rotten Tomatoes. OK. Et une critique sur Allociné de ce film disait « Le dernier Wes Craven est désarmant de banalité, un ratage auquel même les fans du genre ou du réalisateur auront du mal à trouver un quelconque intérêt. » Faut pas oublier que ce réalisateur-là a fait quand même La dernière maison sur la gauche, La colline à des yeux. La colline à des yeux? Ouais. Les griffes de la nuit et Scream. C'est sûr que moi, c'est Les griffes de la nuit hein, avec Freddy. Marc, il suce son sang puis il regarde de la main. T'as pas des anecdotes par rapport à Freddy, justement? Tu t'es trippé là-dessus au bout de Freddy Krueger. Non, j'ai pas d'anecdote. Puis... T'avais des posters, des affiches dans ta chambre. Mais Wes Craven, il a juste fait le premier Freddy. Il y en a eu plein d'autres après. Mais non, il a fait Wes Craven New Nightmare. Wes Craven New Nightmare, qui a comme voulu... Oh. C'est quoi ça? C'est mon téléphone. Ah, qui, OK. Il y a Wes Craven New Nightmare. Il a comme voulu revenir aux sources parce qu'après Freddy Krueger, ben, avec tous les films qu'il y a eu, c'est devenu une vraie joke. Là. C'est devenu un Mr. Bean. Wow. Puis le 3 est excellent. Le 2, ça parle d'homosexualité. qui est très bon, le 2. Hein? Il était carré, le 2, finalement. Ouais. Mais c'est ça, il n'y avait pas grand mot à dire là-dessus. Puis toi, Marc Lattremouille, t'as-tu une anecdote par rapport à Freddy? Ça fait longtemps que je regardais ça. T'as-tu eu peur? J'étais jeune adolescent. Vraiment, aujourd'hui, j'ai 50 ans. Il me semble que j'étais jeune adolescent. En tout cas, là, t'es un vieux adolescent. Oui, c'est ça, qui te croit encore au Père Noël. non, écoute... C'est quoi son nom de famille à Freddy? Krueger. Oh, t'es bon. Oui. Freddy, ben, j'écoutais ça, on louait des vidéos. Oui, j'ai une anecdote. Ah, je savais. Quand j'étais jeune, dans les années 80, on faisait une fois par an un 24 heures vidéo parce que c'était populaire à ce moment-là, les vidéos, ça venait de sortir. Puis on louait VHS. Des films, ouais, des VHS, puis il y avait même bêta. On louait des vidéos pour en regarder pendant 24 heures de temps, puis on se faisait un concours, puis on disait, OK, on va louer un film d'horreur, un film d'action, deux films porno, deux... Je ne vais pas passer la nuit à... Évidemment, c'est deux voilà. Films porno. Et on passait 24 heures à regarder des films. Ça a duré peut-être 4 années de suite. Après ça, on s'est tanné. Je pense même qu'on a diminué ça à 12 heures après ça. Okay, puis, ben... Après ça, on a arrêté parce que on pouvait se procurer des films n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. C'était un de nos amis qui avait une vidéo. On en profitait pas mal. Fait que c'est ça l'anecdote que j'ai dit. Je m'en souviens... Tu penses que Freddy était là-dedans? Je pense que oui, mais notre premier 24 heures, le film Nightmare on Elm Street était dedans. OK. Hey, Johnny Depp joue-tu dedans? Oui, c'est le premier, son premier rôle. Ouais. Puis il joue aussi dans le 6. Il joue aussi dans le 6, celui qui est en trois dimensions. Dans le film, à un moment donné, il y a quelqu'un qui met des lunettes. Puis là, ça, c'est le signe qui dit au spectateur de mettre ses lunettes. Ah oh oui. Johnny Depp, je suis dans le 6. Johnny Depp, il arrive à un moment donné, puis c'est un drogué qui est devant, qui est couché sur son sofa, puis il regarde la télé. Puis là, Johnny Depp, il arrive, puis il fait la fameuse annonce, là. Voici votre... This is your brain. This is your brain, and this is drug on your brain. C'est l'œuf sur la poêle. This is your brain on drugs. Ouais, puis... Ça, c'est une annonce des années 80 qui existait. Ouais, c'est ça. Puis Johnny Depp, il fait dans le 6. Ah, ben oui, t'as raison, je m'en souviens, ouais. Mm. Avez-vous vu le film 22 Jump Street? C'est ça? Le nouveau. Johnny Depp fait un cameo dedans. C'est juste pour dire parce que. OK. Mais alors, j'ai pas vu le. J'ai vu le premier. J'ai vu le premier, pas vu le deuxième. Ouais, moi aussi. OK, ouais. Ben le premier de bord, j'ai pas vu au complet. OK, ben c'est à la fin justement, Gary. OK. Non, j'ai pas embarqué. Ça a pogné quand même, ce film-là. Je sais pas pourquoi. De la misère. Oui, moi aussi, j'ai bien de la misère, ce genre de film. Ouais. C'est un film de quoi? C'est une comédie. Comédie avec, pour jeunes. Avec celui que tout le monde aime, là. Tatum, ouais, Channing. Channing Tatum, c'est qui fait des... Il fait des apparitions dans des films de Quentin Tarantino, dans Les Grands de ce monde. Eightful Eight, oui. Les gens l'aiment, c'est ce que je te dis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Esti? Ben, ce que je veux te dire, tabarnak de Esti Colis, c'est que là, on va saluer nos macabées, nos cadavres froids. Voyons donc. Nos cadavres froids. Hein? Le 10 décembre, à l'âge de 20 ans, est décédé Étienne Fabre. C'est qui, lui? Cycliste français. Cause de la mort, chute dans les Alpes. Il courait pour quel club cycliste? C'est pas de tes affaires. Il est tombé comment? Il faut faire des recherches. Ah, ben, c'était en randonnée, il n'était pas en vélo. C'était une randonnée avec ses amis dans les Alpes, plus précisément d'École-en-Bauge. D'École-en-Bauge, je pense que c'est le nom d'une montagne ou d'une chute. Ils ont des drôles de noms. Comme par exemple en France, je sais que pendant le Tour de France, ils font souvent le col du Tourmalet. Puis là, je disais, Tourmalet, c'est quoi ça? Ils font le tour de la montagne, ça s'appelle Malet. Non, le nom de la montagne s'appelle Tourmalet. OK. Bref. Le tour du Tourmalet. Oui. C'est des Français. Hein? Oui, c'est bien des Français. Ici, j'ai Saint-Pierre d'Almigny, qui est peut-être un autre roc quelconque. Puis c'est ça, selon les enquêteurs, ils ont tenté de faire demi-tour parce qu'ils étaient perdus et de couper en descendant le long d'une pente raide. Un des randonneurs a glissé sur une plaque de neige. Le jeune cycliste a tenté de l'aider, mais il a chuté à son tour dans un couloir. Nous faisons toujours le maître. Ouais, d'après les enquêteurs, Étienne Fabre est décédé sur le coup. Il est tombé sur le coup, il est décédé sur le coup. Il est mort sur le coup. Il est tombé sur le coup. De quoi, là? C'est là, ben, des morts. Quelle mort! On salue nos Maccabées! Ah, okay. Parce qu'il y a comme, c'est passé comme une espèce de blackout temporaire. Ouais, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a eu une pause, notre ordinateur a arrêté. Fait que là, on a arrêté 10 minutes. J'ai été prendre ma douche. Mon frère puis Marc se sont battus. Là, Marc Latrémoy est à l'hôpital présentement. Mais on va continuer quand même. Alors. Je suis sur Sky en ce moment. Oh, yeah! De Alors, le 18 décembre est décédé Léo. Léo. Léo! C'est un chien, ça? C'est mon fils! Hein? Mon fils s'appelle Léo. Oh non, c'est Léo Marjane, 104 ans. Ah! Une chanteuse française de jazz. Et en 1939, elle a chanté La barre lentement l'arc-en-ciel. Pareil à notre amour ardent et presque irréel. Tout le monde ensemble! Vers lui, je voudrais partir avec vous. Car tout y paraît plus charmant, plus clair, plus doux. Fait que c'est ça, Léo, je Marjane. Nous pensons à vous, 104 ans, elle est décédée le 18 décembre. Passionnant. C'est triste quand même, les cadavres. Oui, mais on a eu une année 2016 assez généreuse en personne célèbre mourue. Hein? Oui. Et là, mon frère, présentement, avec ses mains, est en train de nous envoyer son odeur. Ses miasmes. Il vient de péter, puis... Marc-Antoine, il a son chandail par-dessus son visage pour se cacher les narines. Et moi, je vais en profiter pour dire, hey, venez écrire de quoi sur Facebook, puis j'annonce tout de suite. Sylvain, go! Puis schizopode, ça s'écrit schizopode. Hein? Wow. Pas de déterminant, pas d'article. Il n'y a pas de T. Puis bientôt, je vais me mettre à la recherche d'une animatrice. J'aimerais ça avoir une co-animatrice. J'aimerais ça qu'on soit quatre. Une info aussi. Une femme qui va mettre un peu de gaieté, de rire. Parce que ça, moi, quand je fais des blagues, je veux qu'on rie. Puis mes deux co-animateurs ne rient jamais. Une femme qui rit. Je veux une femme du jeu du rire. Des éclats dans les yeux. Alors, si tu nous écoutes et que ça t'intéresse, ben viens nous écrire. Schizopode, oui, je veux être animatrice avec vous. Et là, avant de vous laisser à ce monde pourri, ben Marc Latrémoy, il va aller googler « Bonne nouvelle » sur Google. Puis il va nous dire c'est quoi la bonne nouvelle qui nous qui va nous popper sur leur iPhone. La bonne nouvelle du jour. Où je vois ça? Bonne nouvelle. Attends. Tu googles bonne nouvelle, puis après, ça va d'actualité. C'est ça. Ça va d'actualité. Bonne nouvelle. Après ça. Actualité. Attendez là. Finalement, mon téléphone n'est pas très bon. Et toute cette partie-là, je vais la couper. Là. Ben non. Fait que la perfection. Bonne nouvelle. Fait que là, vous voyez. Go, bonne fête! Je fais actualité. Alors, c'est la même chose que toi. Bonne nouvelle. Ah, actualité. Ouais. Oh. Alors, on parle ici de... Ce sera pas long. Bonne nouvelle, entre guillemets. C'est injuste, entre guillemets. Les Allemands divisés sur la mort d'Anis Amri. Le principal suspect de la... Hey, on parle de mort en tabarnouche aujourd'hui, c'est horrible. Père Noël, qu'est-ce que tu fais? Le principal suspect de l'attentat au camion Bélier perpétré lundi soir sur un marché de Noël berlinois a été tué à Milan, en Italie, ce vendredi. Cette très bonne nouvelle, en guillemets, a soulagé la plupart des Allemands qui ont jugé le Tunisien Anis Amri malade d'avoir fait une telle chose. La bonne nouvelle qui est sur Google, c'est qu'on a assassiné un mec. Oui. Sacrément, c'ti, on peut pas avoir une autre meilleure nouvelle que ça. Non, c'est la première qui est arrivée. C'est comme si je lançais un dé. Non, fuck les Allemands. C'est une bonne nouvelle, on l'a tué. Je suis sérieux, on va aller chercher la prochaine fois. OK. Fait que sur ça, joyeux Noël à tous. On sait même pas si c'est lui. Puis on est rendu à notre 5e épisode, puis vous allez peut-être pouvoir nous retrouver ailleurs prochainement sur d'autres diffuseurs. Remets le chauffage, le gel! Salut! Ciao!